quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux scandales en histoire, aux polémiques en histoire. Aujourd'hui, en compagnie de trois historiennes et historiens, nous aborderons l'affaire Dreyfus et l'affaire Audin. Car l'affaire Audin, du nom de Maurice Audin, jeune mathématicien enlevé il y a 61 ans par des parachutistes français en pleine bataille d'Alger, a mobilisé à l'époque de jeunes historiens, dont Pierre Vidal-Naquet. Celui-ci a toujours dit qu'il avait été inspiré dans sa dénonciation de la violence militaire pendant cette guerre d'Algérie par les méthodes que d'autres historiens, deux générations plus tôt, avaient mises en œuvre pour défendre le capitaine Dreyfus. Comment les historiens entrent-ils dans l'affaire public et dans l'arène publique, pardon, comment participent-ils à ce genre d'affaires? En quoi leurs méthodes historiennes servent-elles parfois à faire émerger une vérité? C'est ce que nous verrons avec Pierre Gervais, il est professeur à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle et spécialiste de civilisation américaine, avec Vincent Duclerc, il est professeur associé à Sciences Po, directeur du centre Raymond Aron à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'affaire Dreyfus, et avec Sylvie Thénault, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne. Bonjour Pierre Gervais. Bonjour. Bonjour Vincent Duclerc. Bonjour. Et bonjour à vous Sylvie Thénault. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous l'avez déjà évoqué à notre micro il y a quelques mois, mais on va revenir sur une affaire plus longuement aujourd'hui qui s'appelle l'affaire Audin. Alors, quand on dit affaire Dreyfus, je pense qu'à peu près tous nos auditeurs savent de ce dont il s'agit. En revanche, l'affaire Audin est peut-être beaucoup moins connu. Pourtant, lundi avait lieu à Paris un rassemblement qui avait pour objet de ne pas oublier Maurice Audin. Alors, peut-être est-il oublié par certains ou certaines d'entre nous. Qui est Maurice Audin et pourquoi allons-nous en parler aujourd'hui, justement? Maurice Audin était militant communiste du Parti communiste algérien. Il était à Alger. On le définit aussi comme un jeune mathématicien parce qu'il s'apprêtait à soutenir sa thèse au moment où il a disparu. Et en fait, en juin 1957, il a été arrêté par des parachutistes qui exerçaient à ce moment-là dans Alger les pouvoirs de police. On est en pleine guerre d'indépendance algérienne, c'est peut-être ça que j'aurais dû dire en premier. Et pour démanteler le FLN et toutes les organisations qui luttent pour l'indépendance de l'Algérie, les parachutistes à Alger ont obtenu les pouvoirs de police, c'est-à-dire les pouvoirs d'arrestation, d'interrogatoire et de détention. Donc ils sont venus arrêter Maurice Audin à son domicile le 11 juin, c'est pour ça que le rassemblement avait lieu lundi dernier, et Maurice Audin n'a jamais revenu. Sa femme s'est tout de suite mobilisée pour essayer de le suivre, de savoir ce qui lui arrivait, parce qu'on savait bien à ce moment-là à Alger que quand on était arrêté par les parachutistes, on avait toutes les chances de ne pas revenir, tous les risques, je devrais dire, de ne pas revenir et puis de toute façon d'être torturé. Voilà. Et donc Josette Audin s'est mobilisée, elle s'est rendue auprès de toutes les autorités civiles et militaires possibles, des responsables militaires, des responsables préfectoraux, etc. Et on a fini par lui dire que son mari s'était évadé. Et ont été produits des comptes rendus d'évasion. Il y a même un jeune militaire qui a été puni parce qu'on a, on l'a déclaré responsable de l'évasion. Et en réalité, très rapidement, il a été possible de démontrer que cette évasion était une simulation, était une mise en scène. Et c'est Pierre Vidal-Naquet qui a fait cette démonstration. Pierre Vidal-Naquet, qui était jeune historien. Antiquisant. Jeune historien de l'Antiquité. Et qui, dans une interview qu'il avait accordée à la Fabrique de l'Histoire à Naïskien, dans une mémoire de groupe en 2006, expliquer le lien qu'il faisait entre cet engagement dans cette affaire Audin, donc pendant la guerre d'Algérie, et la propre histoire de sa propre famille au moment de l'affaire Dreyfus. J'étais à l'époque assistant à la faculté des lettres de Caen, et Le Monde s'est mis à publier régulièrement des protestations contre la disparition de Maurice Audin, qui était lui assistant de mathématiques à l'université d'Alger, à la faculté des sciences d'Alger. Bon, Audin était à peu près, il avait deux ans de moins que moi, je crois, mais il était père de trois enfants. Et j'ai envoyé une de ses lettres, et c'est ainsi que j'ai reçu une lettre de Josette Audin. La première chose que Josette Audin m'ait écrit, c'est que le sort de son mari était en réalité celui de quantité d'Algériens musulmans. Elle était très consciente du fait qu'on s'occupait d'Audin parce qu'il était européen et communiste, et que les quelconques musulmans qui disparaissaient toujours, ce que Paul Tedjian appelait les sans nom patronymique Mohamed, n'est-ce pas, les SNP Mohamed, cela disparaissait sans qu'on s'en occupe beaucoup. Alors, en gros, ma réaction a été la suivante. Si vous voulez, j'ai effectivement pensé à l'affaire Dreyfus. Pourquoi l'affaire Dreyfus? D'abord parce que j'ai été élevé dans le souvenir de l'affaire Dreyfus. Mon grand-père et mon grand-oncle, mes deux grands-pères en réalité, ont ardemment milité pour Dreyfus. C'était l'époque où on voyait encore des gens qui avaient connu Jaurès, qui avaient vécu l'affaire Dreyfus. Et je pense que beaucoup d'entre eux ont été assez sensibles à cette référence de Dreyfus, en dépit des énormes différences qui sont absolument éclatantes. Extrait donc d'une interview que nous avait accordée à Anaïs Quien pour La Fabrique de l'Histoire en 2006, Pierre Vidal-Naquet, à propos de cette affaire Audin qui nous rassemble aujourd'hui dans ce dernier volet de nos séries d'émissions consacrées à la façon dont l'histoire peut faire scandale dans la société et qui rassemble aussi des historiens comme Pierre Gervais ou comme vous, Vincent Duclair, spécialiste de l'affaire Dreyfus. Et ce lien n'est pas un lien artificiel que ferait comme cela Pierre Vidal-Naquet pour s'inscrire dans une histoire un peu plus lointaine. Il y a vraiment un lien de cet engagement dans l'affaire Audin avec cette histoire plus ancienne. Oui, c'est un lien, je dirais, professionnel. On pourrait même dire un lien civique et moral. En effet, il faut déjà rappeler que dans les mémoires, il le dit très bien, Pierre Vidal-Naquet, dans ses mémoires, avant l'arrestation et la disparition de son père, dans la solution finale de la question juive, son père lui a raconté l'affaire Dreyfus. C'est un moment très fort des mémoires, et le jeune Pierre Vidal-Naquet donc a été inspiré par l'engagement de Dreyfusard déjà. Il a rappelé là dans l'extrait qu'on entend effectivement l'engagement aussi de sa famille, et puis surtout, en fait, il le dit bien donc dans les différents écrits. Pierre Vidal-Naquet a beaucoup écrit sur aussi les raisons pour lesquelles il s'est engagé dans l'affaire Audin, avec notamment publication très importante en fait du livre l'affaire Audin, l'affaire Dreyfus. Hein, on le voit bien. La quatrième de couverture de l'affaire Audin, c'est un extrait des preuves de Jaurès. Et Pierre Vidal-Naquet insiste beaucoup sur les la démarche écrite justement par Jaurès pour démontrer à la fois pour défendre le capitaine Dreyfus, mais aussi pour démontrer à la fois l'innocence du capitaine Dreyfus et l'existence en fait d'une conspiration d'État. Mmh. Et le choix de la quatrième de couverture de Pierre Vidal-Naquet, c'est de souligner qu'au fond la dernière institution, comme le dit Jaurès, donc il prend un extrait de Jaurès en quatrième de couverture de l'affaire Audin, où Jaurès évoque le fait que l'institution qui tient, c'est la France. Et pour terminer sur en fait les liens professionnels entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Audin, c'est la méthode elle-même de Pierre Vidal-Naquet, qui est une méthode assez remarquable. C'est une méthode, où il utilise aussi à la fois ce qu'a fait Jaurès, mais aussi son travail d'antiquisant, c'est-à-dire, comme il n'a pas accès aux archives, il va comparer les versions. Et en fait, les versions des militaires, et il va en déduire que finalement, toute cette affaire est insérée dans un régime de mensonges. Mmh. C'est ça la force de l'affaire Audin. Pierre Gervais, vous êtes américaniste, spécialiste de civilisation américaine, que vous enseignez donc à Paris-Sorbonne Nouvelle, mais vous aviez publié avec Pauline Perretz et Pierre Stutin un dossier secret de l'affaire Dreyfus, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, aux éditions Alma. Quel est le rôle, justement, des historiens dans ce moment de l'affaire Dreyfus qui nous permettra de mieux comprendre, justement, le rôle que voulait jouer Pierre Vidal-Naquet dans cette affaire Audin en s'inspirant de ces méthodes dont vient tout juste de parler Vincent Duclerc? Je crois que Vincent Duclerc a raison de souligner le problème méthodologique qui est en fait l'existence non seulement d'une conspiration d'État, mais de traces de cette conspiration qui sont sensibles pour les historiens, par la méthode historique. Mmh. Je crois que ça, c'est extrêmement important, puisqu'il y a une production, malgré l'absence d'archives publiques, évidemment, quand Dreyfus est condamné sur des pièces secrètes, ces pièces ne sont évidemment pas rendues publiques, mais à mesure que l'affaire avance, les représentants de l'État, et en particulier le ministère des Armées, multiplient les déclarations publiques et, à partir d'un certain moment, produit un certain nombre de faux en public. Et le travail des historiens français, à l'époque même, a été structuré dans la tentative de reconnaître, d'étudier très précisément ces sources, de comparer ce qui était dit à différents moments, et de reconnaître que certaines pièces, même physiques, hein, on a par exemple travaillé sur des ratures à l'époque qui révélaient que certaines pièces étaient incorrectes, on a travaillé sur des datations qui ont été modifiées. C'est un moment fondateur pour l'histoire et pour la méthode historique d'étude des sources de manière très précise. Oui, parce que on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'école positiviste française, Vincent Duclerc, à ce moment-là. Donc on est à ce moment où les chartistes en particulier travaillent sur la méthode, analyse interne, analyse externe des documents, et que cela, on l'applique à une affaire contemporaine, Vincent Duclerc. Tout à fait. C'est très important parce que justement, les chartistes, et notamment au procès Zola, et puis dans toutes les expertises, expliquent bien que leur méthode qui s'applique à l'histoire médiévale est suffisamment puissante et organisée pour s'appliquer à la période contemporaine. Donc, au fond, Madeleine Robert-Hue l'avait expliqué, hein, et d'autres historiens, spécialistes de l'histoire, que... En fait, l'affaire Dreyfus est aussi la naissance de l'histoire contemporaine. Ça, c'est ça, oui. C'est ça, c'est quand même. Et donc, et au-delà de ça, en fait, les Dreyfusards se rendent capables d'amener, enfin, les historiens Dreyfusards se rendent capables d'amener les Dreyfusards à cette méthode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont produites par les Dreyfusards et qui relèvent aussi de l'application de cette méthode historique. Et pour finir, peut-être, dire aussi qu'au-delà de cela, c'est une étape, en fait, dans la construction des sciences sociales, puisqu'on voit, par exemple, Émile Durkheim dire que, finalement, les Dreyfusards, les savants Dreyfusards interviennent en raison de leurs habitudes professionnelles. Donc, il y a effectivement une convergence extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Sylvie Thénault et puis Pierre Gervais. En fait, je crois qu'aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut aussi s'interroger sur l'efficacité politique de la référence à l'affaire Dreyfus. C'est absolument vrai que Pierre Vidal-Naquet utilise ses méthodes d'historien pour démontrer que l'évasion est une mise en scène. Il utilise pour cela, en fait, les pièces qui sont produites lors de l'instruction à Alger, parce que Josette Audin a déposé une plainte, bien sûr. Cette plainte est instruite, et donc les militaires qui... raconte avoir conduit une Jeep, parce que Maurice Audin est censé avoir sauté d'une Jeep alors qu'il était en transfert d'un lieu à un autre. Donc les militaires, celui qui conduisait la Jeep, le passager qui a tiré sur l'ombre s'enfuyant censé être Maurice Audin, ces gens-là sont auditionnés, ils ont produit un compte-rendu d'évasion sur le moment. Donc Pierre Vidal-Naquet, il utilise en fait ces pièces-là, qui sont les pièces de l'instruction, et il démontre, finalement comme un historien, mais aussi comme un policier ou comme un juge, qu'il y a des incohérences, il y a des incohérences dans le trajet de la Jeep, dans les horaires, etc., etc. C'est donc indéniable, et sa référence à l'affaire Dreyfus est évidemment sincère. Je ne suis pas en train de dire qu'il s'agissait pour lui d'une instrumentalisation. Néanmoins, je m'interroge sur la question de l'efficacité politique, parce que du coup, il y a quelqu'un dont on a beaucoup minoré le rôle, qui est Jérôme Lindon. Et Vidal-Naquet a toujours dit que Jérôme Lindon, éditeur des éditions de Minuit, bien sûr, Vidal-Naquet a toujours dit que le rôle de Jérôme Lindon avait été énorme et qu'il aurait pu co-signer, voire même signer l'ouvrage. Mais c'est moins efficace de donner une paternité à Jérôme Lindon sur ce livre que de la donner à Pierre Vidal-Naquet. Il y a aussi une forme d'efficacité politique parce que, en fait, quoi on met en avant... Même... Pierre Vidal-Naquet n'est pas un historien connu, il est encore un jeune assistant à l'université de Caen, comme il le dit. Donc il débute sa carrière d'historien, il sera bien évidemment beaucoup plus connu beaucoup plus tard. Oui, c'est quand même un universitaire. Oui, c'est quand même un universitaire, mais en fait ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire du comité Maurice Audin, je le dis, elle reste à écrire. Je veux quand même juste citer, même s'il n'est pas publié, du coup on ne peut pas le lire, un mémoire de master qui a été fait par un étudiant de l'ENS à Lyon qui s'appelle François-René Julliard et qui a tenté une histoire du comité Audin. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est un comité d'universitaires, oui, mais Laurent beaucoup Schwartz de scientifiques. Oui. Laurent Schwartz est mathématicien, il y a Michel Crouzet, il y a Luc Montagnier, qui sera connu ensuite pour être le découvreur du virus du sida. Et donc, quand on regarde la composition du comité Audin, les sciences humaines et sociales sont sous-représentées par rapport aux sciences dites dures, et c'est lié au fait que Maurice Audin était mathématicien lui-même. Mais on pourrait dire que la méthode historique est une méthode scientifique, et donc elle s'applique aussi bien pour les historiens que pour ceux qui ne le sont pas, peut-être, façon d'éclair. J'entends bien effectivement ce que dit Sylvie Thénault. On peut mentionner néanmoins que finalement, ce sont l'historien qui donne le là. Par exemple, Laurent Schwartz préface l'affaire Audin. C'est-à-dire que même si les scientifiques sont très présents dans le comité Audin, finalement, ce qui porte d'une certaine manière la parole publique et justement la capacité de démonstration, ce sont les historiens. Oui, Pierre Gervais. Les historiens dans l'affaire Dreyfus étaient tributaires du cadre. Et ça, je pense que ça a été important. Qu'est-ce que vous appelez... Le cadre juridique. Ah. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu énormément de travail d'historiens. Par exemple, je pense à un incident précis pendant la révision du procès de Dreyfus à Rennes, où il y a eu un travail tout à fait merveilleux fourni pour démonter une rumeur sur le bordereau, un bordereau prétendument signé par l'empereur d'Allemagne. Bon, c'est un travail qui a été fait au moment de cette enquête et qui est, à mes yeux, historiquement très intéressant parce que, à ma connaissance, c'est très rare qu'on arrive d'une part à identifier une rumeur, mais surtout à identifier sa source. Or, la source a été identifiée, il s'agit d'un repas spécifique dans les salons parisiens. Mais ce travail-là, finalement, n'a pas eu techniquement l'écho qu'il aurait pu avoir chez les historiens du point de vue de la méthode, parce qu'il était inséré dans ce travail juridique. Et donc, moi, personnellement, quand je l'ai lu, j'ai été extrêmement impressionné, parce que je trouvais que c'était très moderne, et que ça annonçait des travaux du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, sur les mentalités, les rumeurs, etc. En même temps, tout un pan de ces études, finalement, a été enserré dans ce carcan juridique. Et n'est pas ressorti une publication universitaire. Ce que, quand je relis tous ces passages, je trouve souvent dommage, en fait, que... Vincent Duclerc n'est pas tout à fait d'accord. À la différence près que, c'est vrai qu'en 1999, effectivement, c'est un travail qui doit servir à la défense du capitaine Dreyfus dans le cas du procès de Rennes. Mais en fait, tout ce travail-là constitue le cœur, quand même, du grand discours que Jaurès prononce en avril 1903. Jaurès, dont on oublie qu'il était aussi historien. Voilà, philosophe et ensuite historien, bien sûr, à travers notamment l'histoire socialiste de la Révolution française, bien sûr. Et pour ce grand discours, Jaurès s'entoure aussi d'historien. Et il faut rappeler que ce grand discours à la Chambre des députés permet au gouvernement de relancer une seconde révision qui va déboucher sur la réhabilitation du capitaine Dreyfus en 1906. Sylvie Thénault. Pour aller effectivement dans le sens de ce que Vincent Duclerc disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une répartition des rôles en fait au sein du comité Audin. Mais je reviens à mon idée d'efficacité politique, c'est penser. C'est penser, c'est-à-dire qu'on a conscience de ce que vaut la parole d'un historien par rapport à celle d'un mathématicien. Mais enfin, voilà. Et en fait, dans ce comité, il y a aussi des choses qu'on connaît mal parce que ça relève d'une histoire orale et que les témoins aujourd'hui décèdent les uns après les autres. Mais il y avait une sorte de répartition aussi entre des tâches nobles de représentation, de prise de parole publique et des tâches moins nobles qui consistaient à faire, par exemple, de la mise sous enveloppe parce qu'on est à une époque où on communique encore beaucoup par la voie postale. Laissez-moi penser, est-ce que c'était les femmes qui faisaient la mise sous enveloppe ou pas tout de même? Alors, aujourd'hui, on voit tout par le prisme du genre, mais pas forcément. Non, il y a quelqu'un qui a joué un rôle énorme, qui s'appelle Gérard Tronel, parce que c'est quelqu'un qui a porté, en fait, la continuité de la cause après le comité Audin. Gérard Tronel, c'était un étudiant en mathématiques qui racontait qu'il avait été sensibilisé à l'affaire Audin et à l'existence du comité par Laurent Schwartz qu'il avait en cours, donc il a rejoint le comité, mais quand il raconte ce qu'il faisait, il faisait ce travail de petite main. Donc effectivement, les historiens ont de fait des compétences d'analyse des documents, de croisement des sources, de reconstitution des faits. Ils ont un savoir-faire de la prise de la parole publique, mais concrètement, l'affaire Audin, elle n'aurait pas tenu sans ces gens-là. Et le comité Audin, en gros, cesse d'exister après 1963. Puis il y a une association Maurice Audin qui a pris le relais. C'est elle qui a organisé la manifestation de lundi dernier. Mais c'est Gérard Tronel qui a fait le lien entre les deux. C'est lui qui a fait vivre l'association Maurice Audin ensuite. Oui, mais dans cette répartition des rôles, peut-être y a-t-il justement ce rappel de ce qui s'est passé pendant l'affaire Dreyfus. On peut aussi penser qu'effectivement, on est tout proche de l'affaire Dreyfus, tout compte fait dans les années 57. Tout le monde connaît quelqu'un qui a connu l'affaire Dreyfus, un père ou un grand-père ou une grand-mère, etc. Donc on est très près de ce moment-là. Je voulais vous faire écouter une archive un peu particulière. Elle m'a été signalée par le grand prêtre des Nuits de France Culture, Philippe Garbi, qui l'a diffusée il n'y a pas très longtemps dans les Nuits de France Culture. Elle date du 15 mai 1950. Et vous allez reconnaître la voix de celui qui fait une conférence sur « Quand le scandale devient une arme politique » sur la chaîne nationale. Ainsi pourrait-on mesurer les grands événements qui traversent la société politique. Un homme meurt, il disparaît, et soudain, comme une nuée s'abattant sur les cadavres gisant à travers les étendues désertiques, sous un soleil impitoyable, toujours dans le ciel, rôde un oiseau au bec très long, très dur, et qui a besoin de se nourrir. Alors on se précipite, un scandale, voilà l'aubaine. Il faut d'abord, à l'origine d'un scandale, une part de mystère. Généralement, ce mystère tourne autour d'éléments fort simples. Qu'il s'agisse de l'impunité d'un coupable ou de la condamnation d'un innocent, aussitôt, le vieux sentiment de justice qui anime notre peuple s'éveille, s'inquiète. Il est si intéressant de pouvoir s'indigner contre les scandales des autres, cela évite parfois de s'interroger sur sa propre conscience. Et puis, entrent en jeu dans les scandales tant de pouvoirs, l'administration, le gouvernement, la police, la justice, autant de divinités du monde moderne. Qui n'éprouverait alors un plaisir secret d'avoir, comme toujours, une divinité frappée, souillée, qui disparaît ou qui revient, mais qu'au passage, on a eu le temps de frapper du pied. Mais il faut une autre condition. L'enjeu doit être suffisamment important. Il peut être, par exemple, la défense nationale, affaire Dreyfus. Un capitaine, petit capitaine ignoré, mais capitaine d'état-major, est accusé d'avoir trahi son pays au bénéfice précisément du pays le plus abhorré, le vainqueur de quelques décades auparavant, l'Allemagne. De plus, ce capitaine est juif. Si le seul scandale de la trahison, ce qui n'est déjà pas si mal, permet de régler quelques vieux comptes, après tout, qui ne pourrait se féliciter de la coïncidence? C'est ainsi que la défense nationale est, par un secret mystère, une sorte de défense inventée, intranationale, condamne des catégories ou des hommes considérés par certains comme dangereux pour une certaine conception de la patrie. Alors, puisque ces hommes sont là et qu'ils sont pris la main dans le sac, tout est permis. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Alors celui qui dénonce le scandale de la défense nationale n'est pas encore le ministre de l'Intérieur de la guerre d'Algérie. Il s'appelle en 1950 et il s'appellera toujours François Mitterrand. Mais c'est amusant de voir que sur la chaîne nationale de la radio, Vincent Duclerc, François Mitterrand en 1950 va chercher justement cette affaire relativement présente dans les esprits de tout le monde puisqu'elle a à peine 50 ans d'existence pour sa conclusion. Cette affaire Dreyfus pour pouvoir appuyer son propos sur le scandale qui rôde tel un oiseau au bec très long et très dur. Oui, alors, ce qu'il faut bien reconnaître pour l'affaire Dreyfus, c'est qu'au fond, cette affaire est une victoire en 1906, car la Cour de cassation quand même proclame la pleine innocence du capitaine Dreyfus. Mais très rapidement, cette affaire devient l'emblème de l'extrême droite qui se constitue, de l'Action française particulièrement, et au fond est présentée comme un désastre français puisqu'elle a divisé la France, elle a empêché la France de s'armer. Et ces éléments continuent effectivement dans l'entre-deux-guerres. N'oublions pas aussi la fameuse phrase de Charles Maurras lorsqu'il est condamné en 1945, proclamant c'est la revanche de Dreyfus. De Dreyfus. Donc voilà, il faut aussi bien mesurer au fond l'image que représente l'affaire Dreyfus. Et de ce point de vue-là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le travail des chercheurs, qui a été initié par Pierre Vidal-Naquet, par Manène Robert-Hugh en particulier, sur l'affaire Dreyfus, a montré à travers l'étude précisément du rôle des scientifiques, des écrivains, des savants, comment finalement l'affaire Dreyfus peut représenter aussi une matrice de la modernité démocratique. Mmh. Pierre Gervais. Alors, une matrice aussi de la modernité antidémocratique, éminemment, puisque en fait, l'affaire Dreyfus m'a toujours frappé comme un moment très important, peut-être même sous-estimé encore aujourd'hui, de la construction non seulement des discours de l'extrême droite la plus radicale, y compris telle qu'elle s'est développée au XXe siècle, mais d'une certaine conception de l'autorité de l'État et d'une autorité débordante de l'État, d'un État, je n'aime pas le mot totalitaire qui me paraît trop vague, mais d'un État surpuissant. L'affaire Dreyfus est quand même partie, entre autres, de l'existence en France d'une police politique très puissante, qui était organisée autour du renseignement espionnage et contre-espionnage, qui contrôlait toute une série d'outils qu'on a un peu oubliés, mais qui contrôlait tout depuis la gendarmerie jusqu'à la Sûreté Générale. C'est des gens qui étaient en capacité d'utiliser l'ensemble des leviers de l'État pour travailler à la défense patriotique, bien sûr, mais tout à fait en dehors des règles et de manière très secrète, de manière même qui tenait à l'écart les dirigeants politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître de manière très organisée, institutionnelle, au tout début de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus a donné un coup d'arrêt décisif à cette évolution en France, puisque cet appareil de sécurité a été démantelé suite à l'affaire Dreyfus et grâce à l'affaire Dreyfus. Je pense que c'est un des sous-produits de l'affaire Dreyfus qui est extrêmement positif. Mais il reste quand même que le principe de cet appareil est resté dans les mémoires, et je pense beaucoup plus dans les services de sécurité français et dans l'appareil de sécurité français, où effectivement l'affaire Dreyfus a été considérée comme un échec et un recul. Civitano. C'est un élément évidemment extrêmement présent aussi dans la mobilisation pour essayer de connaître le sort des circonstances exactes de la mort de Maurice Audin. En fait, à l'époque, il y a évidemment une évolution qui part du sort de cet homme, qui conduit à l'analyse du système répressif à Alger, donc à la dénonciation de la toute-puissance des militaires obtenue par les militaires à Alger. Et ensuite de là, n'oublions pas ce livre extrêmement important publié par Pierre Vidal-Naquet juste au sortir de la guerre, La torture dans la République, où en fait il analyse une forme de contamination de la République par la pratique de la torture. Il examine comment celle-ci, bien sûr, gagne l'armée, la police, la justice. Elle pervertit la justice, non pas que les magistrats torturent, bien sûr, mais parce que les plaintes déposées pour torture n'aboutissent pas, et puis ensuite elles sont closes par des non-lieux à la suite de l'amnistie. Donc il y a effectivement en lien tout un travail pour décortiquer la raison d'État, mais la raison d'État en pratique à travers ses acteurs, et y compris des juges réduits à l'impuissance, parce que dans le cas de l'affaire Audin, il y a une instruction à Rennes où là le juge apparemment ne démérite pas, mais il bute sur l'impossibilité, bien sûr, d'obtenir des preuves et des témoignages pour élucider les circonstances exactes du sort d'Audin. Vincent Duclerc. C'est certain que l'affaire Dreyfus, même si, comme l'a bien expliqué Pierre Gervais, amène quand même aussi une volonté de démocratisation de l'État. Alors, la Sûreté Générale devient une institution plus légaliste. Et plus contrôlée. Plus contrôlée aussi, avec aussi quand même des commissaires de police bien formés, même Dreyfusards pour certains. Bon. Mais il est certain que, au fond, ces pratiques d'obscurité de l'État, de conspiration, de recul aussi quand même de la légalité, notamment de la légalité judiciaire. C'est vrai que la place des magistrats en France à cette époque, et encore aujourd'hui d'une certaine manière, est quand même relativement faible hein, dans l'appareil de fonctionnement, l'appareil du gouvernement. Néanmoins, ce qui est très important pour l'affaire Dreyfus, c'est que la question de l'État peut être posée désormais. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'État, certes, reste très puissant. Vous voulez dire que l'État n'est pas neutre et qu'on peut s'interroger sur les pratiques de l'État. C'est-à-dire, c'est même, on renvoie, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, hein, où effectivement, l'agent public doit donner des comptes, à la société. Et c'est un point essentiel qui permet justement, par exemple dans la Résistance, qu'un certain nombre de fonctionnaires se déterminent par rapport à cette possibilité que l'État puisse être critiqué et donc doit rendre des comptes. Oui, en particulier ceux qui vont rejoindre la France Libre, par exemple. Ceux qui vont entrer dans la Résistance. Jean Moulin, par exemple, et Daniel Cormier le dit bien dans Alias Caracalla, Jean Moulin a été formé dans l'enseignement de l'affaire Dreyfus. On n'est pas forcé d'obéir. C'est ça. Forcé de toujours obéir. L'État peut errer. Et donc c'est important. Et vous êtes spécialiste d'histoire américaine. Il y a une thèse récemment qui est sortie, qui est fort intéressante, celle d'Alexandre Yosbord, qui se pose cette question justement de la naissance d'un État secret aux États-Unis, et qui pose les mêmes questions que nous posons actuellement à propos de l'affaire Audin ou de l'affaire Dreyfus. Y a-t-il des endroits où le citoyen ne peut pas obtenir une vérité, et en particulier... À l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons, Alexandre Yosbord, sa thèse est absolument admirable, d'autant plus qu'elle va contre un énorme travail de construction mythique qui a été effectué par les services de sécurité américains, par la National Security Agency, et par toute une série de travaux qui sont sortis de cercles proches du FBI et de la NSA dans les années 90, utilisant les archives soviétiques de manière très biaisée, tout à fait étonnamment biaisée. Le discours de guerre froide sur l'importance de l'espionnage soviétique aux États-Unis même a été reproduit, reconstruit dans les années 90-2000 par cet appareil de sécurité que Alexandre Yosbord place bien dans sa naissance dans les années 20-30. Voilà, et alors ce que raconte, il faut peut-être le dire à nos auditeurs, ils l'ont entendu au micro de la Fabrique de l'Histoire, Alexandre Yosbord, mais ce qu'il raconte dans sa thèse, c'est que l'État qui se voulait le plus démocratique au monde, puisqu'il voulait justement sortir de la notion de secret, et en particulier secret du roi ou secret du prince, pour pouvoir permettre à tous les citoyens de contrôler ce qui se faisait par l'État, ce qui était accompli par l'État, eh bien cet État va se convaincre à un certain moment, on va le convaincre de l'intérieur même de l'État, dans les années 10, dans les années 20 et jusqu'aux années 30, justement, on va le convaincre qu'il est nécessaire d'avoir un État secret, un endroit où le citoyen ne peut pas contrôler les gouvernants. Un État secret à plusieurs étages. Hein. Un État secret qui est à la fois l'État fédéral avec le FBI, mais aussi toutes les branches locales de répression dans les États fédérés. Pour contrôler les citoyens. Les citoyens et les populations de manière très étroite. Ça n'a jamais été remis en cause. Ça a eu des dérapages très importants dans les années 40 et 50. Et encore maintenant, il y a tout un travail à faire qui n'est pas fait. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi, alors peut-être il ne faut pas surinterpréter le fait que Pierre Vidal-Naquet ait été un spécialiste de la Grèce antique, effectivement, mais cette question de la façon dont le citoyen peut contrôler la sphère politique en particulier, en étant soi-même donc spécialiste de l'Athènes du 5e siècle et de la Grèce antique en l'occurrence, c'est une question qui devait faire le pont entre le travail d'historien que faisait Pierre Vidal-Naquet et ce qu'il voyait justement d'un État qui s'opacifiait au fur et à mesure où se développait la guerre d'Algérie, Sylvie Thénault. Oui, c'est clair que la dénonciation du secret et le fait de ne pas pouvoir savoir ce que les militaires font lorsqu'ils détiennent un homme ou une femme qu'ils ont arrêté, c'est le cœur de la démocratie. C'est qu'on est quand même au cœur, là, d'un arbitraire total. Et c'est un des éléments importants qui fait qu'à la fin de la guerre d'indépendance algérienne, ceux qui dénoncent la guerre menée en Algérie dénoncent une menace fasciste. Voilà. Simplement, moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est comment on essaye de le contourner. Et là, il y a certainement une autre façon dont l'affaire Dreyfus rejoue et dont il s'en empare. C'est qu'on croit toujours à la justice. C'est à la justice qu'il appartient d'enquêter et d'administrer des preuves. Je dirais que ça n'est pas faux. Vous êtes spécialiste de la justice. Oui, ça n'est pas faux parce que s'il n'y avait pas eu l'amnistie, Aujourd'hui encore sur le cas d'Audin, ce serait une enquête judiciaire qui serait la plus à même de nous permettre de connaître la vérité. Parce que, en fait, on peut parler des historiens, il y a aussi des journalistes. Je voudrais citer ici Nathalie Funès et François de Merliac, journalistes à l'Obs et documentaristes qui ont repris l'enquête, d'une façon sérieuse qu'un historien ne contesterait pas. Simplement, on est démunis. Parce qu'à un moment donné, si quelqu'un dit « je peux vous donner un lieu de sépulture éventuelle », eh bien, il faut quoi ? Il faut aller faire une exhumation, des expertises. Et là, ça met en jeu des moyens scientifiques que n'a aucun enquêteur du type historien ou journaliste. Et puis, il y a quand même autre chose qu'il faut dire, c'est que la vérité, elle est certainement dans la tête de témoins qui l'ont gardé bien enfoui. Il y a des gens qui savent des choses, qui ne veulent pas parler, qui ferment leurs portes aux journalistes. On peut être historien, ça ne sert strictement à rien, hein, même si on sait faire l'enquête orale. En revanche, on pourrait imaginer qu'un juge convoquant un témoin, là, il n'y a pas de possibilité de se dérober. Vincent Duclerc. Je vais en fait rapprocher finalement l'action de l'historien et l'action du juge dans la mesure où, en tout cas dans l'affaire Dreyfus, on le voit assez bien, c'est finalement un certain nombre de travaux d'historiens. L'épreuve de Jaurès démontre les faux réalisés au ministère de la guerre. Et cette démonstration permet au gouvernement, en partie, de lancer la révision du premier procès. Le même travail de Jaurès, en 1903, lance la seconde révision. Donc ça veut dire aussi que les magistrats peuvent s'appuyer sur des travaux d'historiens pour éventuellement lancer des enquêtes. La puissance publique peut le faire. Donc je crois qu'il est important d'envisager cette dimension et aussi de voir que la question des archives reste primordiale. À ma connaissance, François Hollande a reçu Joseph Audin et ses enfants et leur a montré, j'ai pas tellement d'informations, mais leur a montré un certain nombre de documents d'archives, notamment un document émanant, je crois, du général de Gaulle. Donc je pense que là, il y a des progrès qui peuvent être réalisés et qui n'appartiennent pas uniquement à la justice. Alors là, Sylvie. Oui. Alors en fait, Joseph Audin a reçu copie de documents des archives militaires et aux archives nationales, elle a suivi la voie ordinaire et je m'en félicite au titre de l'égalité de traitement des citoyens. Elle a suivi la procédure ordinaire du repérage de codes dans les inventaires que nous connaissons tous hein, dans notre atelier de l'historien, de la demande de dérogation, etc. Et effectivement, on peut penser aujourd'hui que du côté des archives concernant le cas Audin, le tour a été fait de ce que l'on connaît. Mais là aussi, c'est peut-être un bémol un peu dans toutes les missions hein, que j'ai tenues du début à la fin. On est finalement très démunis parce que les archives, c'est la trace écrite. Ce sont les traces écrites laissées à l'époque par les gens qui soit ont enquêté, le juge d'instruction produit, etc. Et effectivement, le général de Gaulle écrit, etc. Mais sur la connaissance de la vérité, évidemment, il n'y a pas quelque part le rapport nous donnant la version de ce qui est arrivé. Parce que le principe même de la comparaison entre affaire Audin et affaire Dreyfus, c'est qu'il y a des faux. Enfin, en tout cas, on sait qu'il y a des choses qui... C'est plus pervers que ça. Parce que c'est pas un faux... Je dirais que c'est une sorte de vrai faux ou de faux vrai. Les militaires ont joué la scène de l'évasion. Donc, ils ont produit, je le répète, un compte-rendu d'évasion. Ils ont témoigné devant les juges. Donc, on a... en fait, quand on regarde les archives, on tombe beaucoup là-dessus. Vous tombez sur les documents retraçant cette évasion. Les archives peuvent jouer un rôle maintenant parce qu'on a des hypothèses qui sont un peu comme des puzzles auxquels il manquerait une pièce. Et donc, ce que je pense, mais c'est plus de la conviction, hein, je ne peux pas vous donner l'assurance que c'est comme ça que ça va se passer, c'est que peut-être un jour, on va trouver dans les archives ou dans la parole d'un témoin un élément qui va être la pièce manquante et qui va nous permettre de dire entre les hypothèses que nous avons, c'est celle-ci qui est correcte et les autres sont fausses. Vous parliez tout à l'heure de demande de justice, en l'occurrence, et de la possibilité que la justice puisse rétablir la vérité. C'est ce qui a finalement est arrivé dans l'affaire Dreyfus. Un certain Albéric Magnard, qui était un musicien, avait écrit le jour même de la publication du J'accuse à Zola, il disait « C'est un abominable déni de justice. Bravo monsieur, vous êtes un crâne. En vous, l'homme vaut l'artiste. Votre courage est une consolation pour les esprits indépendants qui préfèrent la justice à leur tranquillité, qui ne tremblent pas à l'idée d'une guerre étrangère et qui ne sont pas aplatis devant ce sinistre hibou de Drummond et ce vieux polichinelle de Rochefort. Marchez, vous n'êtes pas seul, on se fera tuer au besoin. Eh bien, il ne s'est pas fait tuer, mais il a composé en 1903 un hymne justement à Dreyfus qu'on écoute. Très belle envolée triomphale de cet hymne à la justice, opus 14, œuvre pour orchestre d'Abéric Magnard, qui était dédié à son ami Émile Gallet, le fameux maître verrier de Nancy, créé en 1903, justement au Conservatoire de Nancy, interprété ici par l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Michel Plasson. On continue à faire les ponts entre affaire Audin pendant la guerre d'Algérie et la bataille d'Alger en 1957 et l'affaire Dreyfus, dont on parle avec vous, Pierre Gervais, et avec vous, Vincent Duclerc. Oui, j'entends bien le scepticisme de Sylvie Thénault sur les capacités. Voilà, les capacités des historiens. Et notamment le poids considérable de la justice qui détermine ou non la quête de la vérité. Mais il se peut, et ça, l'affaire Dreyfus nous l'enseigne de manière très, très explicite, la justice peut être aussi critique de la justice. Je vais prendre deux exemples très rapides. Dire, lorsque Émile Zola écrit le J'accuse, il dit bien que c'est volontairement qu'il s'expose car il veut un procès. Et donc, il va faire le procès qui n'a pas été celui du capitaine Dreyfus. Et là, il fait défiler ses historiens. Il utilise le procès comme une scène de démonstration d'un ensemble de vérités. Et deuxième élément, l'instruction, les deux instructions de la Cour de cassation sont assez exceptionnelles, surtout la seconde. Le réquisitoire du procureur général, donc en 1906, démolit les méthodes de la justice militaire, toute la conspiration et du reste la Ligue française pour la défense des droits de l'homme, publie ce réquisitoire. Pierre Gervais, oui. Et puis Sylvie. Alors, j'ai deux objections, pas objections exactement, mais disons qualifications à rajouter. D'une part, il faudrait, je crois, faire la différence entre vérité juridique et vérité historique. Supposer que la vérité historique existe, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais la vérité juridique, en tout cas, c'est que Alfred Dreyfus était innocent. Et ça, c'est une vérité juridique incontestable. Elle a été établie et finalement, tout le travail qui a été fait par les différents procès a été d'établir cette vérité, y compris, effectivement, contre la justice. En même temps, certains éléments historiques, du coup, sont passés au second plan. Je pense, par exemple, à tout ce qui était la mentalité de ces services secrets qui ont monté l'affaire au départ. Pourquoi ils l'ont fait? Comment exactement ils l'ont fait? On a encore des doutes aujourd'hui sur la composition exacte des pièces secrètes qui ont été utilisées contre Dreyfus. On les connaît dans l'ensemble, mais il y a des incertitudes. Oui, parce qu'il faut bien dire que dans l'accusation de Dreyfus, le dossier d'assaut. Dès le début, dès 1894. Est totalement opaque. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On sait en gros ce qu'il y a dedans, mais on ne peut pas véritablement complètement le reconstituer. Les éléments sont contradictoires parfois, on a un petit peu de mal. Mais ça, c'est un problème historique. Et du point de vue juridique, ça n'était pas un problème. Du point de vue de la Cour de cassation, ça n'était pas nécessaire de reconstituer cette partie-là de manière parfaite pour aboutir à la vérité juridique de l'innocence de Dreyfus. Donc ce sont deux choses différentes. Il y a quelque chose d'autre que je voudrais rajouter, c'est que depuis Dreyfus, on est dans une situation beaucoup plus compliquée en ce début du XXIe siècle, dans lequel, quand on dit les historiens, il y a des historiens, et puis il y a toute une production historique aussi, d'une certaine façon. Et là, je reviens sur tout ce qui est espionnage et États-Unis, qui n'est pas une production exactement seulement d'historiens, mais qui est aussi une production de propagande, qui est financée, qui est grassement financée, qui est extrêmement importante pour tout ce qui est... La NSA, encore maintenant, classe Pierre Cotte très publiquement comme espion soviétique. Pierre Cotte. Alors qu'on sait, donc c'est travaux, sur c'est le site de la NSA, sur la base des écoutes Venona, et ça a été admis par le travail de ces historiens qui ne sont pas tout à fait seulement des historiens, qui ont été financés par les services de sécurité américains. Et là, nous sommes, nous aussi, assez démunis, en réalité, parce que nous n'avons pas du tout les mêmes moyens. Oui, puis évidemment, l'histoire n'en est pas à sa naissance rêvée, pourrait-on dire, de la fin du 19e siècle, avec l'instauration du positivisme et des méthodes, justement, dont on parlait depuis le début, avec vous trois, Sylvie Thénau. Le comité Audin a rejoué encore l'affaire Dreyfus avec en attaquant en diffamation un article paru dans La Voix du Nord par un journaliste qui s'appelait Georges Rat, qui ensuite est passé à l'OAS. Et ce journaliste avait écrit dans un article que ce que disait le comité Audin sur la mort de Maurice, c'est-à-dire qu'il était mort pendant la séance de torture, et à l'époque on disait qu'il avait été étranglé par le lieutenant Charbonnier, qui était l'officier de renseignement de l'unité qui l'avait arrêté. Donc Georges Rat dit que cette thèse ne résiste pas à l'examen. Le comité Audin attaque en diffamation, précisément pour obtenir dans l'arène judiciaire un débat qui va lui permettre de consolider sa version. Et c'est un grand moment, parce qu'il y a le secrétaire général de la préfecture de police d'Alger à l'époque, enfin en 57, Paul Tedjène, qui vient témoigner et qui démonte complètement, publiquement dans son témoignage, la façon dont fonctionnait le système répressif et dont il était producteur de disparitions massives. Mais en fait, la justice, elle a pu jouer ce rôle, même si Georges Rat gagne en première instance. Il faut attendre jusqu'en 1970 pour que le comité Audin ait symboliquement raison. Par la suite, la justice, de toute façon, a été complètement réduite à l'impuissance par l'amnistie. C'est-à-dire que paradoxalement, aujourd'hui, on a une magistrature quand même qui, dans son rapport aux politiques, s'est affirmée dans son indépendance, où on pourrait peut-être espérer qu'un magistrat tel qu'ils sont aujourd'hui pourrait mener une enquête efficace. L'amnistie nous interdit de la réouvrir. Vincent Duclerc. Je crois qu'on a bien posé effectivement l'existence dans l'affaire Audin comme dans l'affaire Dreyfus, de l'existence d'un état secret répressif, avec néanmoins quand même un certain nombre d'acteurs qui osent dénoncer de l'intérieur. Bon, donc vous êtes le verre plutôt moitié plein. Plutôt, je veux dire. Et Sylvie Thénau, c'est le verre plutôt moitié plein. Bon, si on prend, par exemple, on estime globalement que l'armée est anti-Dreyfusarde. En fait, il y a un certain nombre d'officiers qui sont Dreyfusards et qui s'expriment publiquement. Bon, à commencer par le colonel Picard, même s'il n'est pas nécessairement un whistleblower, un lanceur d'alerte. Je pense qu'il y a une deuxième question essentielle qui relie effectivement l'affaire Dreyfus à l'affaire Audin. C'est comment des régimes républicains, certes, dans le cadre d'une guerre qui ne dit pas son nom pour la guerre d'Algérie, au fond, acceptent, soutient, légitime ces pratiques et ces institutions. Ça, c'est bien la sûr. Vraie bien question. Bien sûr. Pardon, pour moi, sur la question notamment de l'exception pendant cette guerre et la façon dont finalement elle envahit l'État, il faut revenir aux sources mêmes de la République et la période de la terreur. Il y a une notion quand même qui est celle du hors-la-loi, qui est aussi présente pendant la guerre d'indépendance algérienne. Et pendant la Révolution, on oublie en fait le sens de cette notion. L'hors-la-loi, strictement, pendant la Révolution française, c'est celui qui s'est de lui-même placé en dehors de la protection du droit commun, parce qu'il ne reconnaît pas la légitimité de la loi existante. Et donc on considère qu'à partir du moment où lui-même s'est placé en dehors de la loi, il ne peut plus prétendre à la protection de son bénéfice. Alors, il y a tout de même une chose au bénéfice de sa protection. Il y a tout de même une chose, c'est que vous disiez tout à l'heure que les historiens étaient les porte-parole au moment de l'affaire Audin, Sylvie Thénau, de tous ceux qui étaient autour d'eux et qui avaient monté ce comité Audin. Aujourd'hui, le porte-parole, c'est plutôt un mathématicien, puisque si on en parle souvent dans les journaux, c'est pas tellement parce que des historiens ou des historiennes signent des textes comme vous, mais c'est parce que Cédric Villani, proche du président de la République, mathématicien, médaille Fields, donne de la voix pour dire « moi, je suis mathématicien et je défends la mémoire de Maurice Audin ». C'est assez une sorte de contre-pied, pourrait-on dire. C'est pas un contre-pied, c'est aussi le fonctionnement médiatique aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que je sais pas si c'est parce que Cédric Villani est mathématicien qu'on relaie sa parole. Parce qu'il porte la valière. Mais non, mais bien sûr, vous avez raison. Mais cela dit, moi, je résiste, vous l'avez compris depuis le début, hein, beaucoup à cette idée des historiens à la pointe. Parce qu'une fois encore, y compris dans cette enquête, il y a d'autres personnes exerçant d'autres métiers avec déontologie qui jouent un rôle énorme. Et dans le maintien de l'affaire, il y a une mobilisation qui dépasse y compris les cadres intellectuels. C'était lundi. Qu'est-ce qui peut se passer? On ne demande jamais à un historien ou une historienne qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette mobilisation qui continue, mais qui, par des tribunes dans l'Humanité ou par des manifestations comme celle de lundi, tente de faire avancer la vérité dans l'affaire Audin? Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Sur la vérité, l'enquête est de plus en plus difficile quand on la connaît de près. Il faudrait que des gens qui n'ont jamais parlé se décident à le faire. Donc c'est compliqué de savoir ce qui pourrait les décider. C'est surtout une déclaration sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Parce que François Hollande a fait une déclaration honnêtement scandaleuse. Il a dit « Maurice Audin est mort durant sa détention ». Non, Maurice Audin n'est pas mort dans sa cellule, par exemple, parce qu'il a mis fin à ses jours. Soit il est mort sous la torture, soit il a été étranglé par le temps charbonnier, soit il a été exécuté par un commando. Donc il a été assassiné par une armée agissant dans le cadre des pouvoirs spéciaux, ce qui implique aussi le pouvoir politique. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est attendu, c'est une reconnaissance de la responsabilité de l'État. Vincent Duclerc, oui, un dernier mot. Je vais revenir sur votre question à propos de Cédric Villani. Je pense que si Cédric Villani a l'audience qu'il a aujourd'hui pour parler de l'affaire Audin, c'est parce que aussi l'affaire Audin a été constituée comme affaire. Bien sûr. Je crois que c'est important aussi. Bien sûr, vous avez raison. Effectivement. Un dernier mot, très bref. Très bref, simplement pour rappeler effectivement que dans l'affaire Dreyfus aussi, les acteurs principaux, en un sens, qui ont ouvert le débat, n'étaient pas nécessairement historiens. Reynac ou Picard n'étaient pas historiens au départ. Et donc, on est tributaire d'autres gens, souvent. Merci à tous les trois d'être venus pour pouvoir débattre de cette comparaison possible entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Audin en conclusion de notre série consacrée à « Quand l'histoire fait scandale ». Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Bruno Gagnard-Fontani nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et bien entendu, vous pouvez toujours réécouter les émissions et vous avez été nombreux à vouloir écouter hier en particulier l'émission que nous avons eue avec Robert Paxton à propos de la publication en 1973 de son livre La France de Vichy. Il faut aller sur le site de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC. C'est notre adresse, Fabrique FC.